Mon papa, papa, bise, bise, bise, bise, bise, l'aria, la zone de toi, frère, tu es vraiment. Maman, voici l'image, allez-vous, prends-t'en, allez-vous, voilà moi, mon mari.